nous ont pas laissé notre chance. Alors après, évidemment, maintenant on est comme fou, c'est normal. Moi je vais te dire, j'ai pas d'espoir. Si, la brigade, d'accord. Mais il faut qu'il y ait des jeunes qui fassent pareil. S'ils nous laissent comme ça, on va recommencer, ça c'est normal. Ça c'est, tu sais, faut pas avoir peur de dire la vérité. Moi je dis toujours, œil pour œil, c'est ce que je dis toujours.